À l'occasion du 15e anniversaire de la visite en Extrême-Orient du général Kim Jong-il et du 6e anniversaire de sa visite en Sibérie et en Extrême-Orient de la Fédération de Russie, la maison d'édition format de Nakhodka Russie a fait paraître en brochure son œuvre classique « Réponse aux questions de l'agence de presse russe Itartas ».